France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La pièce doit se jouer. Les personnages ne doivent pas faire comme ces acteurs qui ne jouent jamais si mal que le jour où la critique est la plus éveillée, pour citer Figaro. Il n'est point de lendemain qui les excuse, eux, qu'ils sachent bien leur rôle cette nuit. Chérubin jouera son rôle, ah, le beau jeune homme, avec ses longues paupières hypocrites, bel oiseau bleu, comme il est joli en fille. Et le comte, on le sait, depuis que la pièce est jouée, il a noblesse, fortune, rang. Qu'a-t-il fait pour tant de bien ? Il s'est donné la peine de naître, et rien de plus. Et l'on sait aussi que, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Pas de doute, c'est à une représentation du mariage de Figaro qu'étaient conviés les auditeurs de France 3 National le 31 octobre 1962. À nous, maintenant. La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission de Philippe de Chartres. Vous entendrez aujourd'hui Le mariage de Figaro, comédie de Beaumarchais, jouée au Théâtre français dans la distribution suivante. Figaro, Jean Piat. Le comte Almaviva, Georges Descrières. Antonio, Maurice Portera. Pedri, Marco Béard, Bridoison, Michel Aumont, Bartolo, René Camoin, Chérubin, Gérard Lartigot, Basile, Michel Etcheverry, Grippe-Soleil, Baudouin Vandermeuse, élève du conservatoire, Suzanne, Micheline Boudet, la comtesse, Hélène Perdrière, Marceline, Denise Jans, Fanchette, Michel André. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. Une représentation du mariage de Figaro, c'est toujours un événement. Parce que la tradition veut que l'esprit de Figaro soit revendicateur, révolutionnaire et anarchiste. Or, à bien lire et à bien comprendre, Figaro n'est peut-être que récalcitrant. Il met sa verve et son dynamisme à défendre les privilèges de son intelligence et de son industrie face aux situations acquises ou maintenues. C'est de bonne guerre dans une société où il fait bon vivre, surtout pas trop loin du soleil. Figaro sera peut-être immortel dans l'ombre de Voltaire. Il brillera de mille feux dans la lumière éclatante des principes de l'encyclopédie et de l'humanisme philosophique. Il est quand même, dans l'ordre de l'esprit, la petite monnaie bourgeoise, élégante et divertissante d'un grand trésor humain aujourd'hui recouvert par près de 2 siècles d'histoire. Et le spectacle presque parfait que nous donne le Théâtre français est un chef-d'œuvre du genre. Toutes les nuances, toutes les demi-teintes, tous les à peu près, toutes les finesses et les allusions, tous les clins d'œil, billets, trouvailles, piqûres d'épingles, jeux de cache-cache et de chat-perché, de travestis du cœur, de quiproquos et calembours sociaux et sentimentaux, les voilà tous, endimanchés à la mode du XVIIIe siècle des salons, très beau, très tendre, très spirituel, très douceur de vivre. C'était cela sans doute le mariage de Figaro de Beaumarchais avant les noces de Figaro de Mozart. Amertume et ironie, symbole décoratif d'un monde condamné. Dans le même temps que la littérature française donnait les liaisons dangereuses, elle offrait au monde la folle journée d'un château en Espagne auquel personne ne croyait. Nous autres, au XXe siècle, nous admirons fort cette pièce insolite, unique dans notre théâtre. Nous ne retrouvons pas toujours au spectacle les échos de nos préoccupations et de nos problèmes comme jadis. Mais nous passons quelques heures grisantes en compagnie de l'auteur le plus spirituel sans doute et des comédiens les plus sûrs de leur talent. Okay.

sentais mes pleurs couler, sentais mes pleurs couler, prêt à me désoler. Je me rappelais sur un frêne que mon cœur a de peine, sa lettre sans la mienne, le roi vint à passer. Le roi vint à passer, ses barons, son clergé. Au pas, je dis la reine, que mon cœur a de peine, qui vous met à la gêne, qui vous fait implorer, qui vous fait implorer. Nous faut le déclarer. Madame est souveraine, que mon cœur a de peine. J'avais une marraine que toujours adorait. Yeah. De la naïveté. Du sentiment même. Oh, pour du sentiment, c'est un jeune homme qui... Ah ça, monsieur l'officier, vous a-t-on dit que pour égayer la soirée, nous voulons savoir d'avance si un de mes habits vous ira passablement? J'ai peur que non. Oh, il est de ma grandeur. Oh. Autant d'abord le menton. Mais si quelqu'un entrait. Oh, est-ce que nous faisons du mal, donc? Je vais fermer la porte. Que je veux voir. C'est ma coiffeuse, une baigneuse à moi. Jusqu'à l'instant du bal, le comte ignorera que vous soyez au château. Nous lui dirons après que le temps d'expédier votre brevet nous a fait naître l'idée. Hélas, madame, le voici, Basile me l'a remis de sa part. Déjà ? On a craint d'y perdre une minute. Et ils se sont empressés, ils ont oublié d'y mettre son cachet. Le cachet à quoi ? À son brevet. Déjà ? Je disais, est-ce là ma baigneuse ? Elle est la plus belle de toutes. Tournez-vous donc en vers ici. J'en délivre mon bel ami. Madame, il est charmant. Ah bon, il s'en collait d'un air un peu plus féminin. Ah, mais voyez ce morveux comme il est joli en fille. Ah, oh, mais j'en suis jalouse, moi. Voulez-vous bien être pas jolie comme ça? Oh, mais qu'elle est folle. Il faut relever la manche, afin que la madisse prenne mieux. Qu'est-ce qu'il a donc au bras? Un ruban? Et un ruban à vous? Je suis bien aise que madame l'ait vu, je lui avais dit que je le dirais déjà. Si monseigneur n'était pas venu, j'aurais bien pris le ruban, car je suis presque aussi forte que lui. Il y a du sang. Ce matin, comptant partir, j'ai arrangé la gourmette de mon cheval, il a donné de la tête et la bossette m'a effleuré le bras. On n'a jamais mis un ruban. Et surtout un ruban volé. Voyons lorsque la bossette, la courbette, la cornette du cheval. Je n'entends rien à tous ces noms-là. Oh, qu'il a le bras blanc. C'est comme une femme. Plus blanc que le mien. Gardez donc, madame. Et occupez-vous plutôt de m'avoir du tarte à gommer dans ma toilette. Ruban, monsieur, comme si celui dont la couleur m'agrée le plus. J'étais fort en colère de l'avoir perdu. Et la ligature à son bras. On en a vu sur ses théardes. Prends le ruban d'un autre bonnet. Celui qui m'est ôté m'aurait guéri en moins de rien. Par quelle vertu? Ceci vaut mieux. Quand un ruban a serré la tête ou touché la peau d'une personne... étrangère, il devient bon pour les blessures. J'ignorais cette propriété. Pour l'éprouver... je garde celui-ci qui vous a serré le bras. À la première égratignure de mes femmes, j'en ferai l'essai. Vous le gardez. Et moi, je pars. Non, pour toujours. Je suis si malheureux. Il pleure à présent. C'est ce vilain Figaro avec son pronostic. Oh, je voudrais toucher au terme qu'il m'a prédit. Sûr de mourir à l'instant, peut-être ma bouche oserait... Taisez-vous. Taisez-vous, enfant. Il n'y a pas un brin de raison dans tout ce que vous dites.

ouvrez vite, c'est Suzanne. Ouvrez, sortez. Oh, Suzanne, quelle horrible scène. Sortez, vous n'avez pas une minute. Mais par où sortir? Je n'en sais rien, mais sortez. S'il n'y a pas d'issue. Après la rencontre de tantôt, il vous écraserait et nous serions perdus. Courez, comptez à Figaro. La fenêtre du jardin n'est peut-être pas bien haute. Un grand étage impossible. Oh, ma pauvre maîtresse et mon mariage au ciel. Elle dorme sur la melonnière, quitte à gâter une couche ou deux. Il va se tuer dans un gouffre allumé, Suzanne. Oui, je me jetterai plutôt que de lui nuire. Et ce baiser va me porter bonheur. Oh, il est déjà bien loin. Oh, le petit garnement. Aussi leste que joli si celui-là manque de femme. Prenons sa place au plus tôt. Vous pouvez à présent, monsieur le comte, rompre la cloison si cela vous amuse. Au diantre qui répond à un mot. C'est bien comme je l'ai laissé. Madame, en m'exposant à briser cette porte, réfléchissez au suite. Encore une fois, voulez-vous l'ouvrir? Monsieur, mais quelle horrible humeur peut altérer ainsi les égards entre deux époux? Si l'amour vous dominait au point de vous inspirer ces fureurs, malgré leur déraison, je les excuserais. J'oublierais peut-être, en faveur du motif, ce qu'elles ont d'offensant pour moi. Mais la seule vanité peut-elle jeter dans cet excès un galant homme? Amour ou vanité, vous ouvrirez cette porte ou je vais à l'instant! Arrêtez, monsieur! Je vous en prie. Me croyez-vous capable de manquer à ce que je me dois? Tout ce qui vous plaira, madame, mais je verrai qui est dans ce cabinet! Monsieur, vous le verrez! Écoutez-moi tranquillement. Ce n'est donc pas Suzanne? Au moins, n'est-ce pas non plus une personne dont vous deviez rien redouter? Nous disposions d'une plaisanterie bien innocente en vérité pour ce soir. Et je vous jure... Et vous me jurez? Que nous n'avions pas plus le dessein de vous offenser l'un que l'autre. L'enfant, c'est de l'homme! Un enfant, monsieur! Mais qui donc? À peine osais-je le nommer. Je le tuerai! Grand Dieu! Mais parlez donc! Ce jeune chérubin! Chérubin! L'insolent! Voilà mes soupçons et le billet expliqué. Oh, monsieur, gardez-vous de penser! Je trouverai partout ce maudit page! Allons, madame, ouvrez, je sais tout maintenant. Vous n'auriez pas été si ému en le congédiant ce matin. Il serait parti quand je lui ai ordonné. Vous n'auriez pas mis tant de fausseté dans votre compte de Suzanne. Il ne se serait pas si soigneusement caché s'il n'y avait rien de criminel. Il est en train de vous irriter en se montrant. Sans doute, petit malheureux. Non, monsieur, votre colère me fait trembler pour lui. N'en croyez pas un injuste soupçon de grâce et que le désordre vous l'avez trouvé. Du désordre? Je suis prête à s'habiller en femme, une coiffure à moi, sur la tête, en veste et sans manteau, le col ouvert, les bras nus. Il allait essayer. Et vous vouliez garder votre chambre, indigne épouse? Vous la garderez longtemps, je vous assure. Mais il faut auparavant que j'en chasse un insolent de manière à ne plus le rencontrer nulle part. Mais je ne crois pas, mes enfants. Je ne me consolerai pas d'avoir sauté. Frayeur aggrave son cri. Il n'est pas coupable. Il partait. C'est moi qui l'ai fait appeler. Ôtez-vous, ôtez-vous. Tu es bien audacieux d'oser me parler pour un homme. Mais monsieur, je m'ôterai. Je me lèverai. Je vous remettrai même la clé du cabinet. Mais au nom de votre amour, pauvre. Mon amour, permettez-moi de vous laisser aller cet enfant sans lui faire aucun mal. Et puis après, quand votre courroux tombe sur moi, si je ne vous convainc pas. N'écoute plus rien. Le ciel, il va pire. C'est Suzanne. Je le tuerai, je le tuerai. Tu es le don, ce méchant page. Ah, quelle école. Comment? Et vous aussi, vous jouez la comédie? Mais peut-être elle n'y est pas seule. Remettez-vous, madame, il est bien loin, il a fait un saut. Suzanne, je suis morte. La personne, et pour le coup, j'ai tort. Madame, vous jouez fort bien la comédie. Et moi, monseigneur. Quoi, quoi, madame? Vous plaisantiez? Et pourquoi non? Monsieur. Quel affreux patinage! Et Par quel motif, je vous prie? Vos folies méritent-elles de la pitié? Nommez folie ce qui touche à l'honneur. Je suis unie à vous pour être éternellement vouée à l'abandon et à la jalousie que vous seul osez concilier. Mais madame, ces emménagements... Oh, madame n'avait qu'à vous laisser appeler les gens. Mais tu as raison. Et c'est à moi de m'humilier. Écoutez, pardon, je suis d'une confusion. Avouez, monseigneur, que vous la méritez un peu. Pourquoi ne sortez-vous pas lorsque je t'appelais, mauvaise? Mais je me rhabillais de mon mieux à un grand renfort d'épingle. Et madame qui me défendait avait bien ses raisons pour le faire. Au lieu de rappeler mes torts, aide-moi plutôt à l'apaiser. Que rosée. Non, monsieur, non. Un pareil affront ne se couvre point. Je vais me retirer aux Ursulines. Je vois trop qu'il en est temps. Que pourriez-vous, sans quelques regrets? Je suis sûre, moi, que le jour du départ serait la veille des larmes. En quand ça serait, Susan? J'aime mieux le regretter que d'avoir la bassesse de lui pardonner. Il m'a trop offensée. Rosine. Je ne la suis plus, cette Rosine que vous avez tant poursuivie. Je suis la pauvre comtesse Almaviva. La triste femme délaissée que vous n'aimez plus. Oh, madame! Oh, par pitié! Vous n'aviez aucune pour moi! Mais je suis ce billet! Il même m'a tourné le sang! Vous n'avez pas consenti qu'on l'écrivit! Vous le saviez donc? C'était étourdi de Figaro! Il en était? Qui l'a remis à Basile! Qui m'a dit le tenir d'un paysan! Oh, perfide chanteur! L'âme à deux tranchants! C'est toi qui paieras pour tout le monde! Vous demandez pour vous un pardon que vous refusez aux autres! Voilà bien les hommes! Ah, si jamais je consentais à pardonner, en faveur de l'erreur, vous a jeté ce billet, j'exigerais que l'amnistie fût générale. Eh bien, de tout mon cœur, comtesse. Mais comment réparer une faute si humiliante? Elle était pour tous deux. Oh, dites pour moi seul. Mais je suis encore à concevoir comment les femmes prennent si vite et si juste l'air et le ton des circonstances. Vous rougissiez, vous pleuriez, votre visage était défait. Mais d'honneur, il l'est encore! Je rougissais, du ressentiment de vos soupçons. Mais les hommes sont-ils assez délicats pour distinguer l'indignation d'une âme honnête, outragée, d'avec la confusion qui naît d'une accusation méritée? Il se passe en désordre, en fait, c'est presque nul. Vous le voyez devant vous, monsieur. N'aimez-vous pas mieux l'avoir trouvé que l'autre? En général, vous ne haïssez pas de rencontrer celui-là. Mais c'est brigueur, c'est larme feinte. Vous me faites rire, j'en ai peu d'envie. Ah, nous croyons valoir quelque chose en politique et nous ne sommes que des enfants. Mais c'est vous même, c'est vous que le roi devrait envoyer en ambassade à Londres. Il faut que votre sexe ait fait une étude bien réfléchie de l'art de se composer pour réussir à ce point. C'est toujours vous qui nous y forcez. Laissez-nous prisonniers sur parole et vous verrez si nous sommes gens d'honneur. Prison-là, monsieur le comte. J'ai peut-être été trop loin, mais mon indulgence, dans un cas aussi grave, doit au moins accorder la vôtre. Non, mais vous répéterez que vous me pardonnez. Est-ce que je l'ai dit, Susan? Ah, je n'ai pas entendu, madame. Eh bien, que ce mot vous échappe. Le méritez-vous donc, ingrat? Oui, par mon repentir. Oh, soupçonner un homme dans le cabinet de madame! Elle m'a nécessairement puni. Ne pas s'en fier à elle quand elle dit que c'est sa camire! Non, Rosie, êtes-vous donc implacable? Oh, Susan, que je suis faible. Quel exemple je te donne! On ne croira plus à la colère des femmes! Bon, madame, avec eux, ne faut-il pas toujours en venir là? Vous disiez, madame, accommodée, je suis vite accouru. Je vois avec joie qu'il n'en est rien. Vous êtes fort attentif. Et c'est mon devoir. Mais puisqu'il n'en est rien, monseigneur, tous vos jeunes vassaux des deux sexes sont en bas, avec les violons et les cornemuses, attendant pour m'accompagner l'instant et où... Et qui surveillera la comtesse au château? La veillée? Elle n'est pas malade? Non, mais c'est un absent qui doit l'entretenir. Quel homme absent? L'homme du billet que vous avez remis à Basile. Qui dit cela? Et quand je ne le serai pas, Fripon, ta physionomie qui t'accuse me prouverait déjà que tu mens. S'il est ainsi, ce n'est pas moi qui mens, c'est ma physionomie. Va, mon pauvre Figaro, n'use pas ton éloquence en défaite. Nous avons tout dit. Et quoi, dit, vous me traitez comme un Basile? Je vais écrire le billet de tantôt pour faire accroire à monseigneur quand il entrera que le petit page était dans ce cabinet où je me suis enfermée. Qu'as-tu à répondre à ça? Il n'y a plus rien à cacher, Figaro. Le badinage est consommé. Le badinage est consommé. Mais oui, consommé. Alors que dis-tu là-dessus? Moi ? Je dis que je voudrais bien qu'on en pût dire autant de mon mariage. Et si vous l'ordonnez... Il convient donc enfin du billet. Puisque madame le veut, que Suzanne le veut, que vous le voulez de même, il faut bien que je le veuille aussi. Mais à votre place, en vérité, monseigneur, je ne croirais pas à un mot de tout ce que nous vous disons. Toujours mentir contre l'évidence. À la fin, ça mérite. Eh, monsieur, ce pauvre garçon, pourquoi voulez-vous qu'il dise une fois la vérité? Je l'avertis de son danger, c'est tout ce qu'un honnête homme peut faire. As-tu vu le petit page? Encore tout froissé. Oh, pécaille! Ah non, monsieur le comte, ils brûlent de s'unir. Leur impatience est naturelle. Entrons pour la cérémonie. Oh, et Marceline, Marceline. Je voudrais être au moins vêtue. Pour nos gens, est-ce que je le suis? Monseigneur! Monseigneur! Que me veux-tu, Antonio? Faites-en une fois griller les croisées qui donnent sous mes couches. On jette toutes sortes de choses par ces fenêtres. Et tout à l'heure encore, on vient d'en jeter un homme. Par ces fenêtres? Regardez comme on arrange mes giroflées. Alors, Figaro, alors. Monseigneur, il est gris dès le matin. Oh, vous n'y êtes pas. C'est un petit reste d'hier. Voilà comment on fait des jugements ténébreux. Cet homme, où est-il? Où il est? Oui. Mais c'est ce que je dis, faut me le trouver déjà. Chez votre domestique, il n'y a que moi qui prends soin de votre jardin. Il y tombe un homme, et vous sentez que ma réputation en est effleurée. Des tours. Tu boiras donc toujours. Ah, si je buvais pas, je deviendrais enragé. Et en prendre ainsi, sans besoin. Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, madame, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. Réponds-moi donc ou je vais te chasser. Est-ce que je m'en irai? Comment non? Si vous n'avez pas assez de sang pour garder un bon domestique, je suis pas assez bête, moi, pour renvoyer un si bon maître. On a, dis-tu, jeté un homme par cette fenêtre? Oui, mon excellence, tout à l'heure, en veste blanche, et qui s'est enfui, jarni, courant. Après? Après? Oui. J'ai bien voulu courir après, mais je me suis donné contre la grille une si fière gourde à la main que je peux plus remuer ni pied ni patte de ce doigt-là. Au moins, tu reconnaîtrais l'homme. Ah, que oui, da. Si je l'avais vu, pourtant. Il l'a pas vu. Oh, voilà bien du train pour un pot de fleurs. Combien de faut-il pleurer avec ta giroflée? Il est inutile de chercher, monseigneur. C'est moi qui ai sauté. Comment c'est-vous? Combien de faut-il pleurer? Ah, votre corps a donc bien grandi depuis ce temps-là. Que je vous ai trouvé beaucoup plus moindre et plus floué. Certainement, quand on saute, on se plotonne. Mais tant mieux que c'était plutôt qui dirait elle gringalait de page. Chérubin, tu veux dire? Ah oui, revenu tout exprès avec son cheval de la porte de Séville, où peut-être il est déjà. Non, je dis pas ça. J'ai pas vu sauter de cheval. Oh, quelle patience! J'étais dans la chambre des femmes, en veste blanche. Il y fait un chaud. J'attendais là ma Suzannette quand j'ai ouï tout à coup la voix de monseigneur et le grand bruit qui se faisait. Je ne sais quelle crainte m'a saisi à l'occasion de ce billet. Et s'il faut avouer ma sottise, j'ai sauté sans réflexion sur ses couches. Où je me suis même un peu foulé le pied droit. Puisque chez vous, il est juste de vous rendre ce brimborion de papier qui a coulé de votre veste en tombant. Donne-moi, je suis pris. La frayeur ne vous aura pas fait oublier ce que contient ce papier? Ni comment il se trouvait dans votre poche? Non! Sûrement! Mais c'est que j'en ai tant! Il faut répondre à tout. Ceci. Ah, c'est une lettre de Marceline en 4 pages. Elle est belle. Ne serait-ce pas la requête de ce pauvre braconnier en prison? Ah non, la voici. J'avais l'état des meubles du petit château dans l'autre poche. Ah, tu sais, c'est le brevet d'officier. Quand t'es perdu, c'est le brevet. Eh bien, l'homme aux expédients. Vous ne devinez pas? Monseigneur, dis si vous ne devinez pas. Fidon vilain qui me part dans le nez. Vous ne vous rappelez pas ce que ce peut être? Ah, Pauvéro! Ce sera le brevet de ce malheureux enfant qu'il m'avait remis et que j'ai oublié de lui rendre. Oh, étourdi que je suis, que fera-t-il sans son brevet? Il faut courir. Pourquoi vous l'aurait-il remis? Il désirait qu'on y fît quelque chose. Il n'y manque rien. Le cachet manque. Eh bien, vous ne répondez pas? C'est qu'en effet, il y manque quelque chose. Il dit que c'est l'usage. L'usage. L'usage. L'usage de quoi? D'y apposer le son de vos armes. Peut-être aussi que ça ne valait pas la peine. Alors, il est écrit que je ne serai rien. C'est ce Figaro qui les mène et je ne m'en vengerai pas. De vous sortir sans ordonner mon mariage? Ne l'ordonnez pas, monseigneur. Avant de lui faire grâce, vous nous devez justice. Il a des engagements avec moi. Voilà ma vengeance arrivée. Des engagements de quelle nature? Expliquez-vous. Oui, je m'expliquerai, malhonnête. De quoi s'agit-il, Marceline? D'une obligation de mariage. Un billet, voilà tout, pour de l'argent prêté. Sous condition de m'épouser. Vous êtes un grand seigneur, le premier juge de la province. Présentez-vous au tribunal. J'y rendrai justice à tout le monde. En ce cas, votre grandeur permet que je fasse aussi valoir mes droits sur Marceline. Voilà mon fripon du billet. Autre fou de la même espèce. Vos droits. Vos droits. Il vous convient bien de parler devant moi, maître Sceau. Il n'a ma foi pas manqué du premier coup. C'est son nom. Marceline, on suspendra tout jusqu'à l'examen de vos titres qui se fera publiquement dans la grande salle d'audience. Honnête Basile, agent fidèle et sûr, allez faubourg chercher les gens du siège. Pour son affaire. Et vous m'amènerez le paysan du billet. Est-ce que je le connais? Vous résistez? Et je ne suis pas entré au château pour en faire les commissions. Quoi donc? Homme à talent sur l'orgue du village. Je montre le clavecin à madame, à chanter à ses femmes, la mandoline aux pages. Et mon emploi, surtout, est d'amuser votre compagnie avec ma guitare quand il vous plaît me l'ordonner. J'irai bien, monseigneur, si cela vous plaira. Quel est ton nom et ton emploi? Je suis Gripsoleil, mon rossigneux, le petit patoulio des chèvres, commandé pour le feu d'artifice. C'est fait aujourd'hui dans le Touloupio, et je suis ousqué toute l'enragée boutique à procès du pays. Donc elle me plaît, vas-y. Mais vous, accompagnez monsieur en jouant de la guitare et chantant pour l'amuser en chemin. Il est de ma compagnie. Oh, moi je suis de la compagnie! Que j'accompagne Gripsoleil en jouant... C'est votre emploi. Partez ou je vous chasse. Oh! Oh! Oh, je n'irai pas lutter contre le pot de fer, moi qui me suis... Qu'une cruche! Au lieu d'aider à leur mariage, je vais assurer le mien avec Marceline. Ne conclue rien, crois-moi que je ne sois de retour. Conclure? Oh, va ne crains rien, quand même tu ne reviendrais jamais. Eh bien, tu n'as pas l'air en train de chanter. Veux-tu que je commence? Allons, gué! Oula Mila, pour ma fiancée! Je préfère la richesse, la sagesse de ma Suzon, zon, zon, zon, zon, zon. Aussi sa gentillesse est maîtresse de ma raison. M'a valu avec son billet. Oh, madame, quand je suis rentrée du cabinet, si vous aviez vu votre visage, il s'éternit tout à coup, mais ça n'a été qu'un nuage, et par degrés, vous êtes devenue rouge, rouge, rouge. Il a donc sauté par la fenêtre. Oh, sans hésiter, le charmant enfant, léger comme une abeille. Oh, ce fatal jardinier. Tout ça m'a remis au point que je ne pouvais rassembler deux idées. Oh, madame, au contraire. Et c'est là que j'ai vu combien l'usage du grand monde donne d'aisance aux dames comme il faut pour mentir, sans qu'il y paraisse. Crois-tu que le comte en soit la dupe? Et s'il trouve cet enfant au château? Je vais recommander de le cacher si vous... Bien, parte! Après ce qui vient d'arriver, croyez que je ne suis pas tentée de l'envoyer au jardin à votre place. Il est certain que je n'irai pas non plus. Voilà donc mon mariage encore une fois. Attends! Au lieu d'un autre, ou de toi, si j'y allais moi-même, vous, madame, il n'y aurait personne d'exposé. Le comte, alors, ne pourrait nier... avoir puni sa jalousie et lui prouver son infidélité. Cela serait... Allons, le bonheur d'un premier hasard. Mardi, attendez le second. Fais-lui savoir promptement que tu te rendras au jardin. Mais surtout que personne... Oh, Figaro! Non, non, non, non, non. Il voudrait y mettre ici du sien. Mon masque de velours et ma canne, que j'aille rêver sur la terrasse. Il est assez effronté, mon petit projet. Oh, mon ruban, mon joli ruban, je t'oubliais. Tu ne me quitteras plus. Tu me rappelleras la scène où ce malheureux enfant... Ah, monsieur le comte, qu'avez-vous fait? Et moi, que fais-je en ce moment? Voici la canne et votre loup. N'oublie pas que j'étais défendue d'en dire un mot à Figaro. Oh, madame, il est charmant, votre projet. Je viens d'y réfléchir, il rapproche tout, termine tout, embrasse tout. Et quelque chose qui arrive. Mon mariage est maintenant certain. Applaudissements.

L'habit de ville est des gros bons. C'est vous qui l'êtes, monsieur le comte, mais je ne vais jamais sans elle, parce que la forme, voyez-vous, la forme, telle ride d'un juge en habit court, qui tremble au seul aspect d'un procureur en robe. La forme, voyez-vous, la forme. Faites entrer l'audience. L'audience. Silence, messieurs! Silence, messieurs! Yes! Double main! Ah, plie les côtes! Noble, très noble, infiniment noble, Don Pedro George Hidalgo, baron de Los Altos, y Montes, Fieros, y otros Montes, y otros. Contre Alonso Calderon, jeune auteur dramatique. Il est question d'une comédie mornée que chacun désavoue et rejette sur l'autre. Ils ont raison tous deux, hors de cour. S'ils font ensemble un autre ouvrage pour qu'ils marquent un peu dans le grand monde, ordonnez que le noble y mettra son nom, le poète son talent. Oh. Silence, messieurs! Silence, messieurs! Yes! André Petruccio, laboureur contre le receveur de la province. Silence, messieurs! Bien, il s'agit d'un forcement arbitraire. Non, l'affaire n'est pas de mon ressort. Je servirai mieux mes vassaux en les protégeant auprès du roi. Passez. Oh. Silence, messieurs! Silence, messieurs! Oh. Yes! Bar, bagarre, Rab, Magdeleine, Nicole, Marceline de Vertalure, fille majeure. Figaro, nom de baptême en blanc. Anonyme. Ah, anonyme? Quel patron est-ce là? C'est le mien. Votre anonyme Figaro. Qualité ? Gentilhomme. Vous êtes gentilhomme ? Si le ciel l'eût voulu, je serais le fils d'un prince. Silence, messieurs ! Yes. Pour cause d'opposition faite au mariage du dit Figaro, par la dite de Vertalure, le docteur Barthelot plaidant pour la demanderesse, et le dit Figaro pour lui-même, si la cour le permet, contre le vœu de l'usage et la jurisprudence du siège. L'usage, maître double main, est souvent à l'abus. Le client un peu instruit, c'est toujours mieux sa cause que certains avocats qui, suant à froid, criant à tue-tête et connaissant tout hors le fait, s'embarrassent aussi peu de ruiner le plaideur que d'ennuyer l'auditoire ou d'endormir messieurs. Plus pour souffler après que s'ils eussent composé leur ratio promurena. Moi, je dirais le fait en peu de mots. Messieurs... En voilà beaucoup d'inutiles, car vous n'êtes pas demandeur. Il n'avait qu'à défense. Avancez, docteur, et lisez la promesse. Oui, promesse. Elle est précise. Il faut la voir. Oui, Silence, messieurs. J'ai sous-signé, reconnais avoir reçu de demoiselle, etc., Marceline de Vertalure, dans le château d'Aguas Frescas, la somme de 2000 piastres fortes cordonnées. La clé de somme, je lui rendrai à sa réquisition dans ce château, et je l'épouserai par forme de reconnaissance, etc., signé Figaro, tout court. Mes conclusions sont au paiement du billet et à l'exécution de la promesse avec dépens. Messieurs, jamais cause plus intéressante ne fut soumise au jugement de la cour. Et depuis Alexandre le Grand, j'ai promis mariage à la belle Thalestrine. Silence, messieurs! Avant d'aller plus loin, avocat, convient-on de la validité du titre? Composez-vous à cette lecture? Qu'il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction dans la manière dont on a lu la pièce. Car il n'est pas dit dans cet écrit laquelle somme je lui rendrai et je l'épouserai. Mais laquelle somme je lui rendrai ou je l'épouserai, ce qui est bien différent. Y a-t-il et dans l'acte ou bien où? Il y a et! Il y a où? Double main, lisez vous-même. Et c'est le plus sûr, car souvent les parties déguisent en lisant. Demoiselle Vertalure. Ah!

ces jolis doigts pleins de grâce et d'espièglerie. Ainsi l'amour. L'amour n'est que le roman du cœur, c'est le plaisir qui en est l'histoire. Il m'amène à tes genoux. Vous ne l'aimez plus. Je l'aime beaucoup, mais 3 ans d'union rendent l'hymen si respectable. Que vouliez-vous en elle? C'est que je trouve en toi, ma beauté. Mais dites donc. Je ne sais, moins d'uniformité peut-être. Un peu plus de piquant dans les manières, hein. Je ne sais quoi qui fait le charme. Quelquefois un refus, que sais-je. Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant. Cela dit, une fois, elles nous aiment, quand elles nous aiment. Ils sont si complaisantes et si constamment obligeantes, et toujours et sans relâche, qu'on est tous surpris un beau soir de trouver la satiété ou l'en rechercher le bonheur. Oh, quelle leçon! En vérité, Susan, j'ai pensé 1000 fois que si nous poursuivons ailleurs ce plaisir qui nous fuit chez elles, c'est qu'elles n'étudient pas assez l'art de soutenir notre goût, de se renouveler à l'amour, de ranimer, pour ainsi dire, le plaisir de la possession par celui de la variété. Donc, elles doivent tout. Et l'homme, rien. Changeons-nous la marche de la nature. Notre tâche à nous fut de les obtenir, la leur. La leur. La leur est de nous retenir. On l'oublie trop. Ce ne sera pas moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Il y a de l'écho ici. Parlons plus bas. Tu n'as nul besoin d'y songer, toi que l'amour a fait et si vive et si jolie. Avec un grain de caprice, tu seras la plus agaçante maîtresse. Mais Suzanne, un Castillan n'a que sa parole. Voici tout l'or promis pour le rachat du droit que je n'ai plus sur le délicieux moment que tu m'accordes. Et comme la grâce que tu daignes y mettre est sans prix, j'y joindrai ce brillant que tu porteras pour l'amour de moi. Suzanne accepte tout. Elle n'est pas plus coquine que cela. Voilà du bon bien qui nous arrive. Elle est intéressée, tant mieux. Voilà des flambeaux. Ce sont les apprêts de ta noce. Entrons-nous dans l'un de ces pavillons pour le laisser passer? Sans lumière. À quoi bon? Nous n'avons rien à lire. On n'y va, ma foi, je m'en doutais. Qui passe ici? Passez, on vient exprès. C'est Figaro. Je vous suis. Je n'entends plus rien. Ils sont entrés. M'y voilà. Vous autres, époux maladroits, qui tenez des espions à gage et tournez des mois entiers autour d'un soupçon sans l'asseoir, que m'imitez-vous? Dès le premier jour, je suis ma femme et je l'écoute. En un tournement, on est au fait. C'est charmant, plus de doute, on sait à quoi s'en tenir. Heureusement que je ne m'en soucie guère. Que sa trahison ne me fait plus rien du tout. Tu vas payer tes beaux soupçons. Je les tiens donc, enfin. Qui va là? Qui va là? Celui qui voudrait de bon cœur que la peste ait étouffé en naissant. Mais c'est Figaro. Madame la comtesse. Très bas. Madame la comtesse, que le ciel vous amène à propos. Où croyez-vous qu'est monseigneur? Que m'importe, un ingrat. Dis-moi. Et Suzanne, mon épousée, où croyez-vous qu'elle soit? Mais parlez bas. Cette Susan qu'on croyait si vertueuse, qui faisait la réservée, ils sont enfermés là-dedans! Je vais appeler! Appelez pas! Ah. C'est Susan! Godda! Vous paraissez inquiet! Traîtresse, qui veut me surprendre? Il faut nous venger, Figaro! En sentez-vous le vif désir? Je ne serai donc pas de mon sexe, mais les hommes en ont sans moyen. Oh, madame, il n'y a personne ici de trop. Celui des femmes, les vaut tous. Je ne sais si vous le pensez de bonne foi, mais vous ne le dites pas de bonne grâce. Oh, madame, je vous adore. Examinez le temps, le lieu, les circonstances, et que le dépit supplée en vous aux grâces qui manquent à ma prière. Ma main me brûle. Le cœur me bat. Mais monsieur, avez-vous songé? Oui, mais oui, j'ai songé. Pour la colère et l'amour. Tout ce qui se diffère est perdu. Votre main, madame. La voilà. Ah, démonio, qu'elle souffle. Fais souffler, celui-là. Ah, Kézako, le parle diable. Et si la journée d'étape... Kézako, Suzanne. Et voilà pour tes soupçons, voilà pour tes vengeances, et pour tes trahisons, tes expédients, tes injures, tes projets. C'est ici de l'amour, disons, comme ce matin. Santa Barbara, oui, c'est de l'amour. Oh, bonheur, oh, délice, oh, 100 fois heureux Figaro. Frappe, ma bien-aimée, sans te lasser. Mais quand tu m'auras dit après le corps de meurtrissure, regarde avec bonté, Susan, l'homme le plus fortuné qui fut jamais battu par une femme. Le plus fortuné? Bon fripon! Vous n'en séduisiez pas moins la comtesse, avec un si trompeur babille que, oubliant moi-même, en vérité, c'était pour elle que je cédais. Et je fus me méprendre au son de ta jolie voix. Tu m'as reconnu? Oh, comme je m'en vengerai! Oh, bien rossé, garder rancune est aussi par trop féminin. Mais dis-moi donc par quel bonheur je te vois là quand je te croyais avec lui. Et comment cet habit qui m'abusait te montre enfin innocente? Mais c'est toi qui es un innocent de venir te prendre au piège à prêter pour un autre. Est-ce notre faute à nous? Si vous voulez museler un renard, nous en attrapons deux. Et qui donc prend l'autre? Sa femme. Sa femme? Sa femme! Oh, Figaro, pends-toi, tu n'as pas deviné celui-là! Sa femme! Oh, 12 ou 15 000 fois spirituelle femelle! Ainsi! Ainsi les baisers de cette salle ont été donnés à madame. Et celui du page? À monsieur. Et tantôt derrière le fauteuil? À personne. En êtes-vous bien sûr? Il pleut des soufflets, Figaro. Ce sont des bijoux, Clétien. Ah, mais celui du comte était de bonne guerre. Allons, superbe. Humilie-toi. Cela est juste. À genoux, prosterné, bien courbé, ventre à terre. Ce pauvre comte, quelle peine il s'est donné. Pour faire la conquête de sa part. C'est lui. Susan, es-tu là-dedans? Oh, il la cherche. Et moi qui croyais que... Il ne l'a pas reconnu. Achevons-le, veux-tu? Un homme au pied de la comtesse. Oh, je suis sans arme. Pardon, madame, si je n'ai pas réfléchi que ce rendez-vous ordinaire était destiné pour la noce. C'est l'homme du cabinet de ce matin. Mais il ne sera pas dit qu'un obstacle aussi sot aura retardé nos plaisirs. Oh, massacre, mort, enfer. Il jure. Pressons-nous donc, madame, et réparons le tort que je vous ai causé tantôt, quand j'ai sauté par la fenêtre. Ah, tout se découvre, enfin. Voyez cette personne, le suivi. Vengeance! Ah, c'est mon maître! Accélérat, c'est toi! Voilà, quelqu'un! Quelqu'un! Monseigneur, je vous trouve enfin. Bon, c'est Pedri, il était tout seul? Arrivant de Séville, il y a écrit le cheval. Approche-toi de moi, écris bien fort! Pas plus de pêche que sur ma main, voilà le paquet! L'animal! Monseigneur me dit de crier! Mais pour appeler! Voilà, quelqu'un! Quelqu'un! Sinon, m'entends, accourez tous! Il y aurait moins de nouvelles à deux que peut-il dans vous arriver? Tu vois qu'à ton premier signal. Pedri! Empare-toi de cette porte! Tu l'as surpris avec Suzanne? Et vous tous, mes vassaux, entourez-moi cet homme et m'en répondez sur la vie! Oh oh! Taisez-vous donc! Mon cavalier, répondrez-vous à mes questions. Qui pourrait m'en exempter, monseigneur? Vous commandez à tout ici. Or à vous-même. Or à moi. C'est ça, parler. Non, si quelque chose pouvait augmenter ma fureur, ce serait l'air calme qui l'affecte. Sommes-nous des soldats qui tuent et se font tuer pour des intérêts qu'ils ignorent? Je veux savoir, moi, pourquoi je me fâche. Oh, rage! Homme de bien qui feignait d'ignorer. Nous ferez-vous la faveur de nous dire quelle est la dame actuellement par vous amenée dans ce pavillon? Dans celui-là? Non, non, non, non, non, non, non, dans celui-ci. Ah, c'est différent. Une jeune personne qui m'honore de ses bontés particulières. Vous l'entendez, messieurs? Nous la attendons. Et cette jeune personne a-t-elle un autre engagement que vous sachiez? Je sais qu'un grand seigneur s'en est occupé quelque temps, mais soit qu'il l'ait négligé, ou que je lui plaise mieux qu'un autre plus aimable, elle me donne aujourd'hui la préférence. La préférence? Au moins, il est naïf. Car ce qu'il avoue, messieurs, je l'ai oui, je vous jure, de la bouche même de sa complice. Sa complice? Or, quand le déshonneur est public, il faut que la vengeance le soit aussi. C'est juste. Qui donc a pris la femme de l'autre? Aucun n'a eu cette joie-là. Tous vos efforts sont inutiles. Vous êtes perdus, madame. Et votre heure est bien arrivée. Quel bonheur, c'est un gage d'une union aussi détestée. Chérubin! Chérubin! Mon pâle! Oh, oh. Et toujours le page endiablé. Que faisiez-vous dans ce salon? Je me cachais comme vous l'avez ordonné. Bien la peine de crever un cheval. Entrez-y, Antonio. Conduis devant son juge l'infâme qui m'a déshonoré. C'est madame que vous y cherchez? Il n'y a pas lieu d'une bonne providence. Vous en avez tant fait dans le pays. Entre donc. Vous allez voir, messieurs, que le page n'y était pas seul. Mon sort eût été trop cruel si quelque âme sensible n'en eût adouci l'amertume. Ah non, madame, faut pas vous faire prier pour en sortir, puisqu'on sait que vous y êtes entré. La petite cousine. Enchaînez. Oh, oh. Pas de semble. Ah, monseigneur, il est gaillard de le choisir pour montrer à la compagnie que c'est ma fille qui construit ce train-là. Qui l'a sévé là-dedans? Permettez, monseigneur.